بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى: هل تجب الثقة بالنفس؟ On a choisi de lire cette fatwa aujourd'hui. لماذا؟ لأن elle est liée au cours précédent de notre étude du livre التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ سعدي. Et on avait parlé de هذه المسألة. أن المؤمن doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont posé cette question à Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, parmi les mashayikhs de l'imam Abdelaziz ibn Baz, alayhim rahmatullah jami'an. هل تجب الثقة بالنفس? Est-ce que c'est une obligation d'avoir هذه الثقة بالنفس? On peut traduire par avoir confiance en soi. قال لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس. Il a dit c'est pas obligatoire, بل c'est interdit. الثقة بالنفس. وفي الحديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Et ce hadith, ولله الحمد, on l'avait cité dans le درس précédent. لماذا? لأن الإنسان لضعيف. كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. C'est Allah al-Ghani, c'est Allah qui possède tout. On doit placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Amma nahnu en tant que ibad, on est faible. On a des manquements, on a des faiblesses. Falihada, al-Sheikh Mohammed rahimahullah, قال لا تجب ولا تجوز. ثم قال من يقول أخشى أن هذا غلط منك. Tellement que le Sheikh rahimahullah, ça l'a étonné, il a fait cette remarque à celui qui a posé la question. Il a dit أخشى أن هذا غلط منك. Il a dit je crains, j'ai peur que ça soit une erreur de toi. Et cette question, tu l'as mal posée, tu as mal compris. Et en gros, personne ne dit cela. Ça l'a étonné pour lui. Pour lui, c'était pas possible. ثم قال لا أظن أن إنسان له عقل يقول ذلك فضلا عن علم عن العلم. Il a dit je pense pas que quelqu'un qui a la raison il puisse dire cela. Et Anna, est-ce que c'est une obligation ou c'est une obligation d'avoir confiance en soi? قال فضلا عن العلم. Encore plus celui qui a de la science. Ibn al-Qayyim rahimahullah, la réponse de Cheikh Mohammed rahimahullah, Rasa'il, la référence Rasa'il Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le premier mujallad. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, قال, on peut rajouter comme faïda, قوله في مدارج السالكين, ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. Celui qui connaît vraiment son nafs, qui se connaît vraiment, il va avoir un su'udhan. Andoro, c'est le contraire de al-thiqa bin nafs. Pourquoi? Parce qu'il sait que son nafs ta'mur bis-su, inna nafs la ammaratun bis-su. Il sait que c'est un être humain faible. Il sait qu'il ne peut rien faire, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. قال ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. Celui qui a une bonne opinion de son nafs, فَهُوَ مِنْ أَجْهَلَ النَّاسِ بِنَفْسِهِ. Il ne se connaît pas. هذا كلام ابن القيم et كلام محمد ابن إبراهيم. لكن, il faut certaines précisions. Et ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Vous allez voir qu'avec la réponse de Cheikh Ibn Uthaymeen, ça va être complet. Inch'Allah. قالوا, ما حكم قول فلان واثق من نفسه أو فلان عنده ثقة بنفسه وهل هذا يعارض الدعاء الوارد ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen, le jugement de dire فلان واثق من نفسه, فلان il a confiance en lui, أو فلان عنده ثقة بالنفس, أو un tel il a ثقة بنفسه, il est confiant, il n'a pas de doute, etc. Est-ce que ça contredit le dua ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين? Voilà, vous avez remarqué la différence avec la question posée à Cheikh Mohammed rahimahullah. Dans la question, il y avait est-ce que c'est une obligation? Vous avez remarqué que dans les questions posées à Cheikh Mohammed Uthaymeen, il n'y a pas est-ce que c'est une obligation? Là, c'est une personne qui a confiance en elle. Est-ce que c'est permis? Donc c'est différent. هذا أولا. ثانيا, la réponse قال Cheikh Mohammed Uthaymeen لا حرج في هذا. Il n'y a pas de mal. لأن المراد القائل فلان واثق من نفسه التأكيد يعني أنه متأكد من هذا الشيء وجازم به ولا ريب أن الإنسان يكون نسبة الأشياء إليه أحيانا على سبيل اليقين وأحيانا على سبيل الظن الغالب أما لفت كالإنسان إلي واثق بنفسه أي إلي سيور لا با دو دوت فهذا يعني أوكان مال قال وإذا قال أنا واثق من كذا أو أنا واثق من نفسي أو فلان واثق من نفسه أو واثق مما يقول المراد به أنه متيقن من هذا ولا حرج فيه نعم سي سي بور دير كو مثلا جو سوي سور جو سوي كونفيون دون سيت شوز أي جي أوكان دوت فهذا لا شك يا أوكان مال قال رحمه الله ولا يعارض هذا الدعاء المجهور ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لأن الإنسان يثق من نفسه بالله c'est cette précision qu'on voulait faire et pour comprendre la parole d'Ibn al-Qayyim précédente رحمه الله et la réponse de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim رحمه الله عليه أما celui qui place sa confiance dans les sababs et il pense que c'est lui qui fait les choses et il oublie, il néglige il tombe dans l'insouciance فإن revient pas Allah subhanahu wa ta'ala il ne place pas sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala فهذا c'est très très grave قال عليه الصلاة والسلام ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين un instant يا رب ne me délaisse pas un instant pour montrer que le mu'min il doit toujours placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en tant que mu'min en tant que croyant en tant qu'être humain on est faible لكن si l'insan il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et اعتماده il est على الله subhanahu wa ta'ala Et il fait ce dua, وَلَا تَكِلْنِي لَنَفْسِي طَرْفَتَعِينَ Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne le délaisse pas un instant. وَمَعَ هَذَا Il fait les causes. Et il est confiant. Et il est sûr. Alhamdulillah. هذا c'est ce qu'on appelle الثبات. هذا c'est ce qu'on appelle اليقين. Que ce soit اليقين envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك, il n'a pas de doute dans cette chose. قَالَ لِأَنَّ النَّفْسِ يَثِقْ مِنْ نَفْسِهِ بِاللَّهِ وَبِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عِلْمٍ Vous avez remarqué que il est واثق من نفسه بالله. Il sait que ce qu'il fait, c'est que des causes. Et il a la certitude parce qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il est confiant. Et كذلك, s'il maîtrise maintenant une chose et il a de la science dans une chose et il n'a aucun doute, c'est parce que c'est Allah qui lui a facilité. وَبِمَا أَعْطَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنْ عِلْمٍ أَوْ قُدْرَ Ou si c'est quelque chose maintenant de physique et il est confiant, il sait qu'il peut le faire. Et maintenant, on dit, mashallah, fulan, il est wathiq binafsi, il n'a pas de doute parce qu'il a la capacité. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a facilité. قَالَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا Il n'y a aucun mal. Donc, par rapport à ce qu'on avait dit dans le dors, avec cet ajout de Shirm al-Uthaymin, c'est plus clair et ça peut répondre à certaines questions que certains peuvent se poser ou une incompréhension. Il y en a ce genre de paroles, elles sont très répandues. Donc, le résumé, le fait de dire « فُلَا نُوَا ثِقُلْ مِنْ نَفْسِهِ » واحد يدي انا اثق بنفسي dans cette chose je suis sûr etc si c'est basé sur la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala wal yaqin l'insan il sait que c'est qu'une cause lakin il dit ça pourquoi parce que c'est Allah qui lui a facilité et il n'a aucun doute fa hada la bas il n'y a aucun mal amma comme les kuffar disent et c'est ce qu'on avait cité dans notre dars et كذلك من تاثر بالكفار Ils éduquent leurs enfants à la hada et c'est devenu une habitude chez les gens. Anna, il faut que tu aies confiance en toi sans rappeler. بَلْبَعْضُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Ils ne croient même pas en Allah subhanahu wa ta'ala. هذا c'est من خُدْلَان إِبْلِيس أَنَّهُمْ c'est من أَضْعَفْ خَلْقِ اللَّهِ Et au lieu de placer leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la conviction que c'est Allah qui a tout décrété, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé, c'est lui qui facilite à qui il veut. هَوْلَا ils oublient tout cela. Et ils s'en remettent qu'aux causes. فَلَا شَكَنَّ هَذَا C'est très très grave. Et c'est un problème dans la foi et dans le tawhid. فَنَسْأَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى التَّوْفِيقُ وَالسَّدَادُ La référence de la réponse de Cheikh Ibn al-Uthaymeen, Fatawa Islamiyya, le quatrième volume. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ نَكْتَفِي بِهَذَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ بِحَمْدِكَ شَدْ وَلَا إِلَهِ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ